tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le génie des bébés, une série documentaire de Najma Bouakra réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a l'odeur parfaite de la tête duveteuse des nourrissons et le désir jamais assouvi de savoir ce qui se passe sous ces 6 petits crânes. Mais aussi l'impossible souvenir de ces mois dans l'eau et l'obscurité dont on nous assure cependant qu'ils sont fondateurs. Alors il y a l'envie de remonter le fil petit à petit pour comprendre comment se fabrique l'intelligence des bébés et par quels moyens ils apprennent à parler. Alors pour commencer, les personnages. Une psycholinguiste qui tend l'oreille, une autre qui décode les sons, un bébé qui sourit, une psychanalyste qui entend les mots avant les mots, des bébés compétents, des assistantes maternelles qui chantent, des bébés avec l'oreille absolue, des parents qui parlent en chantant et des neurologues qui suivent les circuits. Ensuite, le décor. Des bruits de gorge, des bruits de langue et de bouche, les hareux, les vocalises, des chants d'oiseaux, le sens avant les mots, le son in utero, les tonalités, les cris, des chuchotements, des adresses musicales, des regards, des devinettes et des suppositions, des répétitions, l'instinct de la grammaire, des oies et des constellations et même un baby lab. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive à la crèche. C'est difficile d'être dans la tête des bébés. Le génie des bébés. Et le langage vient. Najma Bouakra, Franck Lilin. Qu'est-ce que le bébé attrape du langage pour le faire sien ? Si le corps et langage, comme le soulignait la psychanalyste Françoise Dolto, interprétaient les manières des bébés, leurs expressions physiques, mais aussi leurs regards, déchiffraient leurs variations sonores, des pleurs au babillage, ce serait déjà entrer de plein pied dans une langue commune. Les chercheuses, Maya Gracier et Anne-Christophe, dans leurs laboratoires de recherche respectifs, guettent les modifications vocales, sonores, les interactions bébé-parent, afin de déplier la venue du langage. Ça, c'est un bébé de 5 mois qui fait un peu tous ces trucs d'exploration. Il est tout seul. Donc ça, c'est vraiment typique de cet âge-là. Pas de babillage encore. Donc là, on a un bébé qui a 5 mois et qui est dans cette phase du développement vocal où il va triturer un peu le son, tester sa voix. Il est tout seul. Et ce qu'on entend, c'est cette grande variabilité du son sur le plan mélodique, avec variabilité d'intensité aussi. Et puis, parfois, il va chercher un son qu'il n'a jamais produit avant, au fond de sa gorge, ou en claquant ses lèvres ou sa langue. Et c'est vraiment... c'est très créatif, ce qu'il fait à ce moment-là. Un bébé qui appelle, il appelle avec son corps, il appelle avec son cri. Évelyne Lenoble. Très tôt, les personnes qui connaissent bien le bébé distinguent assez facilement les pleurs pour appeler, les pleurs de douleur, les pleurs parce que le bébé a faim. Tout ça, ce sont des interprétations. Souvent, elles sont assez justes, hein, puisque en général, les mamans devinent assez justement et arrivent à calmer leur bébé. Et puis, les bébés aussi s'adaptent à la réponse qui leur a été donnée. Et savent très bien utiliser et savent très bien jouer aussi sur certaines qualités de son, de cri, d'appel, pour s'amuser, pour appeler ou quelquefois pour jouer avec leur propre voix. Le plaisir de s'amuser avec la bouche, parce que quand même c'est un organe pour les bébés qui est très très investi, enfin c'est le premier investi, parce que la nourriture passe par là, mais pas que la nourriture, l'air aussi, enfin ça passe par le nez, mais aussi par cet endroit du corps. Et puis, tout ce qui est du plaisir d'essayer, ça fait partie du plaisir de la vie, ça fait partie du plaisir de bouger, du plaisir des mouvements. Il y a crié, il y a appelé, il y a faire des lalations, et puis il y a aussi le moment où le bébé boucle, c'est-à-dire qu'il a compris que ce qu'il vient d'émettre, il l'a entendu, et c'est lui qui l'a émis. Et c'est aussi la différence entre ce qui vient de moi quand je parle et ce qui vient de l'autre. Et ça, c'est un grand plaisir que prend le bébé à s'amuser à ses propres productions sonores et à la boucle auditive aussi, très très importante pour la mise en place du langage aussi. Maya Gracier, vous étudiez très précisément les premières vocalises du bébé. C'est un peu ce qu'on essaie de faire dans notre laboratoire, puisque notre laboratoire est composé de quelques psychologues spécialistes du bébé et d'autres psychologues du développement. Et puis surtout d'éthologues qui étudient le développement du chant de l'oiseau de la naissance jusqu'à l'âge adulte et qui ont cette possibilité qu'on n'a pas avec les humains, c'est-à-dire qu'ils peuvent enregistrer chaque instant, jour et nuit, les productions des petits. Et puis ils peuvent faire aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est isoler les oisillons de leurs proches, donc les élever en isolation et les comparer avec d'autres qui sont élevés en société. On essaye, nous aussi, de pister un peu comme ça le développement vocal des bébés. Et notamment de regarder comment émergent les premières formes linguistiques qu'on va trouver au moment du babillage, donc les syllabes qui vont apparaître, mais dans un contexte de grande expressivité prosodique, c'est-à-dire la mélodie, le rythme sont des aspects très importants de l'expression vocale du bébé. Et ça, ça va continuer. Et finalement, la prosodie dans la langue parlée finalement est en totale continuité avec la prosodie de ce que fait le bébé sans les mots. Est-ce que le bébé contrôle ses sons ? Ils font pas mal de sons végétatifs, on appelle ça. C'est des sons liés à la digestion, des sons un peu gutturaux au fond de la gorge, qui sont d'ailleurs tout de suite reconnus par les adultes, qui les ignorent en général, et qui sont liés à leur corps qui s'adapte au monde et à tous ces changements physiologiques. Et puis il y a ces sons qui sont beaucoup plus contrôlés, qui d'ailleurs, sur le plan acoustique, ont vraiment une forme différente, qui sont des sons résonnants, avec des harmoniques, et qui ont, vers 6 semaines, 8 semaines, ils commencent à avoir un vrai contour intonatif qu'on peut identifier. Comme quoi, par exemple ? Ce qu'on appelle les areux. En réalité, c'est des sons qui n'ont pas une structure phonétique. Donc on ne peut pas transcrire, c'est pour ça que les Français disent « areux », les Anglais disent « agou », parce qu'on est quelque part entre le R. C'est des sons en tout cas qui arrivent du fond de la gorge et qui ont souvent un contour en cloche, c'est-à-dire que la hauteur de la voix monte et puis redescend. Et ces sons-là ont une certaine durée et les parents les apprécient. Partout, les parents vont répondre à ces sons beaucoup plus souvent. Donc, ils ne vont pas répondre à un son végétatif, mais à eux, là, ils vont dire « Ah, tiens !» Ou ils vont dire « Tu racontes quelque chose, là !» Et donc, ils attribuent d'ailleurs à ces sons-là qui sont, on pense, beaucoup mieux contrôlés. Enfin, ils sont contrôlés puisqu'ils sont, ils ont cette qualité acoustique différente. À quel point est-ce qu'ils sont vraiment intentionnellement prévus, etc. Ça, c'est plus compliqué. Mystère. Mais ils arrivent au bon moment, ces sons-là. Ah ouais. Et peu à peu, ces sons-là vont prendre des atours mélodieux petit à petit. Okay. Oui, alors ils deviennent de plus en plus mélodieux, en effet, mais on ne va pas directement du areux vers des sons plus proches du langage comme qu'on trouve dans le babillage. À partir de 6 mois à peu près, les bébés peuvent commencer à produire des syllabes. Et là, on peut transcrire ça phonétiquement. On peut dire, ben là, c'est ba, ba, ba, ba, ba. Avant, entre les areux et le babillage, il y a une phase qui s'appelle le stade vocal exploratoire, où les bébés vont faire des sonorités de plus en plus bizarres. Donc, ils s'éloignent. Les areux sont interprétés comme une sorte de parole. Certains chercheurs appellent ça du speech-like vocalization. Et puis après, il fait un sourire. Et après, donc dans cette phase de jeu vocal exploratoire, ils vont faire pousser des cris, faire des bruitages avec leur bouche. Et c'est un peu comme s'ils découvraient leur voix. Et ils le font beaucoup tout seuls. Alors que les hareux, clairement, ils produisent ces sons-là, les hareux, avec d'autres personnes. En France, ça se fait quand même de parler à son bébé, même avant qu'il parle. Donc, des fois, on fait juste hareux et dadada. Et c'est l'occasion d'apprendre les tours de parole, comme on appelle ça. Donc, le bébé a dit hareux, la maman répète hareux. Anne-Christophe. Et puis, il y a aussi des mamans qui vont juste commenter tout ce qu'elles sont en train de faire, changer la couche. Ah voilà, et ça, c'est ton pied, ta main, la chaussure, tout ça. Et c'est comme ça, peut-être, que les bébés apprennent des mots comme main et pied. Il y a d'autres cultures où on parle très peu à l'enfant jusqu'au moment où il est prêt à répondre lui-même. Et donc à ce moment-là, il apprend principalement en écoutant la parole autour de lui, mais qui ne lui est pas directement adressée. On ne sait pas encore aujourd'hui quel est l'impact de ces différents modes d'apprentissage sur le développement du langage en général. On sait que le nombre de mots que l'enfant connaît est plus grand quand on a beaucoup parlé à l'enfant directement. C'est plus facile quand on est dans une relation à deux, où on est en train de parler d'un objet et vous pouvez voir où est-ce que je suis en train de regarder, que si l'enfant est tout le temps en train, le bébé est en train d'écouter, par exemple, la maman qui parle à un grand frère ou deux grands frères, grandes sœurs qui parlent entre eux. Ça sera plus difficile d'essayer de repérer à quoi ils prêtent attention, où est-ce qu'ils sont en train de regarder, que si on est directement dans une relation avec la personne qui parle. Et on est... Non. Si, papi. Et ça, c'est quoi? Sa bouche. Sa bouche. Et elle, qu'est-ce que c'est? Ça. C'est qui? Atati. Une tortue. Atati. Non, la maman. Écoute, ça m'a pas. Tu veux que je te le mette? Ou je l'enlève? Je l'enlève ou je le mets? Il monte. Alors, le papa tortue. Et la maman tortue, la maman. Attends. Et pourquoi est-ce que le tout petit s'exerce autant? Oui, je pense que le bébé, dès la naissance, est très attentif à la réaction émotionnelle des autres. Et donc, tout au long de son développement, ça va guider vraiment ses comportements. On sait d'ailleurs, par exemple, que dans une expérience un peu contrôlée, des chercheurs ont demandé à des mères de répondre systématiquement au babillage du bébé. Et dans une autre condition, un autre groupe, la mère ne répond pas au babillage du bébé, clairement. Et le résultat, c'est que les bébés auxquels on répond babillent de manière plus complexe, plus linguistique que les autres. Donc là, c'est une étude qui montre à quel point la production vocale du bébé est quand même façonnée, presque sculptée par la réaction de l'adulte immédiate, qui est quand même une réaction émotionnelle. C'est pas juste une action-réaction, c'est une situation de partage entre l'adulte et le bébé. Avant les mots, le préverbal, c'est tout de même du sens. Avant les mots, c'est du sens. Moi, je dirais que oui, et le mot « sens » ne me fait pas peur. Et je trouve qu'on a longtemps évité de parler de sens, de sens non-verbal. À partir du moment où c'est flou, on va dire, ce n'est pas vraiment du sens. Mais on parle aussi beaucoup plus d'information maintenant. Au lieu de dire ça a du sens, on va dire le bébé capte une information, l'adulte transmet une information. Mais finalement, le sens est un terme très utile. Et je pense que le bébé fait sens et que l'adulte a du sens pour l'adulte. Et que ce que fait l'adulte aussi a du sens pour le bébé. Le bébé de quelques mois ne comprend pas le sens des mots, mais comprend le sens de ce que fait l'adulte. Il comprend, par exemple, qu'un adulte s'intéresse à lui. Il se comporte très différemment lorsqu'un adulte le regarde, tout simplement, que lorsqu'un adulte ne le regarde pas. Et ça, c'est bien documenté. Et puis, il perçoit le sens des expressions de l'adulte. Le sens précède le langage. Et puis, il y a des continuités très évidentes, justement, entre l'expressivité préverbale et l'expressivité verbale. on est toute notre vie humain extrêmement expressif. On l'est parce que ça, notre expressivité traduit un état interne et on va être expressif en présence des autres. On n'est pas expressif tout seul. Donc il y a une dimension interpersonnelle qui est là dès le début puisque les bébés reconnaissent les autres personnes tout de suite. Les bébés n'attendent pas d'avoir le langage verbal pour nous parler. Bernard Goltz. Le vrai langage verbal va s'instaurer, va être enfant, en place vers, ça dépend des enfants, mais enfin disons vers 18 mois, 2 ans. Et bien entendu, les enfants communiquent avant par tout un système qu'on appelle la communication préverbale, qui fonctionne pas du tout de la même manière que le langage verbal, mais qui prépare. Qui prépare, qui conditionne, et qui ne s'éteindra pas quand le langage verbal sera là. Hein, même quand on a acquis le langage verbal et qu'on parle en parole, on continue à avoir des mimiques, des regards, des mouvements, enfin, je veux dire, toute la communication préverbale. C'est pas un précurseur qui s'efface quand le langage verbal est là, c'est un précurseur qui prépare et qui conditionne la suite. Alors, aujourd'hui, on sait vraiment de mieux en mieux regarder, observer, comprendre cette communication verbale des bébés, qui est beaucoup plus ancienne dans l'histoire de l'humanité. Il y a un psychanalyste d'adulte très important qui s'appelait Wilfred Bion, qui a fait remarquer que même les psychanalystes devraient se méfier un petit peu du langage verbal. Parce que le langage verbal, il n'a que 150 ou 200 millions d'années d'existence, alors que la communication préverbale, elle est là depuis qu'il y a la Terre, ou enfin depuis qu'il y a des espèces vivantes sur la Terre, plus exactement. Et il avait un certain sens de l'humour, et c'était une façon de rappeler un petit peu les psychanalystes qu'il n'y avait pas que le langage verbal qui existe. Il y a aussi un poète brésilien très important, Mario Quintana, qui a dit ça de manière plus poétique, qui a dit « Mais celui qui ne comprend pas un sourire, communication préverbale, ne comprendra pas non plus une longue explication. » Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux bébés prématurés, c'est qu'on leur parle pas beaucoup finalement. Les parents, beaucoup, aujourd'hui, font souvent du pot à pot. Dans cette situation kangourou, ils mettent le bébé contre eux et restent un certain temps. Donc il y a une communication aujourd'hui qui est reconnue quand même entre les parents et les bébés prématurés. Mais ils vont pas souvent s'adresser au bébé, leur parler ou leur chanter. Parce qu'en partie, ils sont un peu... Ben, ils ont peut-être pas une représentation... du bébé qui est capable de réagir ou d'apprécier ça. Alors, Manuela Filippa, qui a travaillé en Italie, elle a fait une étude, elle a demandé à des mamans de chanter et de parler à leur bébé prématuré. Et elle a mesuré les indices physiologiques chez les bébés. Et elle a trouvé que les bébés non seulement changent d'état, vraiment, ils deviennent... Enfin, déjà, leur rythme cardiaque augmente, l'oxygénation du sang augmente, et puis ils sont beaucoup plus apaisés, ils ont moins de problèmes de respiration. Pendant que la mère chante ou parle, de manière assez indifférenciée, et entre le chant et la parole, elle a trouvé une différence aussi intéressante, c'est que les bébés s'éveillent un peu plus quand on parle plutôt que quand on chante. Et ça a donné lieu à vraiment une prise de conscience chez pas mal de néonatologues. Il y a un livre qui est sorti récemment sur là-dessus et sur l'importance de ce contact vocal, puisque finalement, in utero, donc le fœtus, on le sait depuis 1980, le fœtus entend bien la voix, surtout de la mère, et la reconnaît à la naissance. Et donc, pour un bébé né à terme, il y a tout de suite cette continuité transnatale entre la voix de la mère avant, la voix de la mère après, qui est la même et en même temps un peu différente, mais il la reconnaît comme la même, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de reconnaître si vite le visage de la mère, qu'il n'a jamais vu. Alors dans le contexte d'une naissance prématurée, on a eu cette rupture assez brutale, hein. Tout d'un coup le bébé est dans cette période d'hospitalisation où il n'y a plus cette voix, il va la retrouver plus tard, mais voilà, ça semble important de recréer la continuité vocale pour le prématuré. On sait que le bébé entend déjà bien, in utero, et même s'il entend surtout la voix de la mère, il entend aussi les voix des personnes qui sont proches de lui. Alors, il n'entend pas tout à fait comme vous et moi, il entend comme quand on a la tête dans son bain, hein, donc vous voyez bien à quoi ça ressemble, c'est Voilà, donc c'est filtré passe-bas. Hein, donc on a encore très bien la mélodie. Par contre, on perd les petits détails des sons individuels, les consonnes et les voyelles. Voilà, on ne les a pas très précisément. Et sur la base de ça, on sait que l'enfant, dès la naissance, reconnaît la mélodie de sa langue maternelle. Donc par exemple, un bébé français va préférer tété pour écouter plus de phrases françaises que tété pour écouter des phrases russes ou anglaises, par exemple, qui sont moins intéressantes pour lui. On sait aussi que le bébé va préférer écouter la voix de sa mère, à condition qu'elle parle normalement, comme je suis en train de parler. Si on lui fait lire une liste de mots à l'envers, eh bien, il n'y a plus d'intonation, et là, il ne reconnaît plus la voix de sa mère. Donc, si vous voulez, c'est comme de reconnaître quelqu'un à sa démarche. Disons, on a besoin du mouvement. Donc, quand c'est la maman qui parle avec sa voix normale, l'enfant la reconnaît. Si elle lit juste une liste de mots, il ne reste plus que le timbre de la voix, et ça, ça ne suffit pas. L'enfant ne le reconnaît pas. Ce qu'on peut dire, c'est que dès la naissance, le langage a commencé à s'organiser autant du côté de la réception que de la communication. On l'a mis en évidence par l'imagerie, ce qu'on appelle l'IRM, par résonance magnétique, chez le bébé in utero. On sait qu'il a certaines sensibilités et donc déjà quelque chose qui serait de l'ordre de la préparation au langage. Jacques Daillon. Le fait qu'on puisse reconnaître des différences que, pour simplifier, on appelle l'accent chez des bébés élevés par des parents de langues différentes nous démontre que le développement du langage chez le bébé est déjà influencé in utero par des stimuli qu'il a perçus de la voix de sa mère. Et que donc, dès le départ, dès la fin de la vie utérine, le bébé est sensible à des influences qu'on appelle culturelles. Dès ses premiers cris. Dès la naissance, les enregistrements des cris des bébés nous montrent par une analyse particulière des ondes émises de leurs caractéristiques que les bébés élevés par une mère japonaise ou allemande n'ont pas les mêmes caractéristiques langagières. Dès le départ, le cri s'est imprégné de différences culturelles. C'est-à-dire que le bébé est compétent avant d'être performant. Le bébé entend quand même, même s'il n'entend pas comme s'il était dans le milieu aérien. Le bébé entend dans le milieu liquide dans lequel il baigne tranquillement. Il entend bien sûr la voix de sa mère, mais il entend aussi la voix des autres membres de la famille, la voix de son père, la voix des frères et sœurs s'il y en a. Frères et sœurs qui peuvent ne pas se priver de parler au bébé, de s'adresser à lui, le père tout autant. Et cette langue-là, et ces sons-là, le bébé les entend, il est largement probable qu'il les reconnaisse à la naissance, même si la voix de la mère n'aura pas la même tonalité, puisque effectivement le bébé l'a entendu de l'intérieur, et là il va l'entendre porté par l'air, et dès qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il crie. Donc le milieu aérien engage immédiatement quelque chose de la voix et du sonore qui n'a pas été engagé avant. Et c'est aussi tout ce plaisir et cet ancrage corporel qui est extrêmement important et qui est complètement noué au langage. Il y a le plaisir d'entendre, il y a le plaisir de faire marcher ses cordes vocales, il y a le plaisir de bouger ses mains et ses pieds, mais il y a le plaisir de pousser des cris, de faire des lalations, qui seront bien sûr reprises par la mère ou par la personne qui est là. Et c'est bien ça qui est essentiel, c'est que ça fasse un aller-retour et que ce soit inscrit dans le lien et que toute cette mélodie, tout l'environnement sonore soit petit à petit transformé en ce que les psychanalystes appellent un environnement signifiant. Une petite coccinelle s'est posée sur ma main. Une petite coccinelle s'est posée sur ma main. Et elle monte, monte, monte sans me demander rien. Et elle monte, monte, monte pour me faire un câlin. Tu chantes, oui. Une vraie soprano. Où est-ce qu'on peut la poser pour sur Mia? Les adultes se mettent très spontanément à parler au bébé avec une voix plus musicale. Donc de ce point de vue-là, il y a une musicalité dans le comportement d'adresse au bébé. Par ailleurs, les bébés, on sait depuis quelques décennies qu'ils sont capables de percevoir la musique. La musique et de discriminer très finement les structures musicales, tonales, mélodiques, rythmiques. Donc il est probable que ces compétences qu'on appelle musicales sont en fait très utiles pour le bébé, pour juste identifier les structures pertinentes du langage. Donc les adultes vont chanter de manière plus expressive pour le bébé aussi, un peu comme dans le langage adressé au bébé. Ils vont surtout varier le rythme. Donc ils vont ralentir plus, marquer plus des arrêts, accélérer à certains moments. Et c'est toute cette vivacité-là, d'ailleurs, que les bébés apprécient beaucoup. Ils n'aiment pas quand on chante de manière monotone. Ils aiment bien, d'ailleurs, qu'il y ait des attentes un peu d'inattendu dans la chanson. Ce qui est très étonnant, c'est qu'à 2 mois, un bébé n'écoute pas passivement le chant de la mère, mais devient vraiment un co-acteur du chant. Et puis rapidement, ils connaissent très bien, parce que la différence entre le chant et la parole, c'est que le chant est plus prévisible. Et donc, ils peuvent reconnaître une mélodie à la naissance, déjà. Donc, c'est un vieux savoir populaire qui a tout son sens. Les berceuses, la répétition, l'allongement du rythme. Ouais. Ça. On peut penser que c'est très naturel et universel, d'ailleurs. On peut se dire, partout dans le monde, il y a des répertoires extrêmement riches de chants pour bébés qui sont prévus par l'histoire de l'humanité et qui sont extrêmement adaptés d'ailleurs aux compétences cognitives du bébé. Mais quand même, et on peut se dire, c'est pas juste pour le plaisir qu'on chante au bébé, si c'est si répandu, ça doit quand même avoir une fonction, ça doit contribuer de manière très importante aux grandes acquisitions comme le langage. Et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs qu'on appelle ces chansons des comptines. Parce que ça peut peut-être aussi les aider à comprendre la numérosité et d'autres choses assez abstraites. Dans la forêt lointaine, on entend le du haut de son grand chêne, il répond au coucou, coucou, coucou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. On ne peut pas savoir tout à fait ce que le bébé comprend, puisqu'il ne parle pas encore. Comment peut-on savoir quand est-ce que les phonèmes, quand est-ce que le langage devient sens ou signifiant? Ça se joue d'abord du côté de la mère, c'est-à-dire que la mère, elle va projeter, et c'est son rôle, des mots sur son bébé. Et quand elle va lui dire, alors qu'il a même pas une semaine, tu as faim, tu as soif, ah j'ai bien vu que tu avais froid aux pieds, la maman, elle invente, mais elle invente pas tout à fait au hasard déjà. Et puis surtout, les mots qu'elle utilise à ce moment-là, ce sont des mots très chargés corporellement, parce qu'elle parle des éprouvés qu'elle suppose à son bébé. Le bébé, lui, les éprouvés, il les a pas encore distingués. Mais ce sont les mots de la mère qui vont permettre au bébé de distinguer probablement ses éprouvés et de faire un nouage comme ça entre le découpage en mots, hein, pour dire faim, pour dire soif, pour dire biberon, pour dire... Et c'est ce découpage-là qui a d'abord lieu du côté de la mère, qu'il propose et qui même l'impose, hein, parce que c'est un coup de force au bébé. Et le bébé va se saisir de ça, ou pas s'en saisir d'ailleurs, pour essayer de trouver et de repérer des coupures dans la mélodie de la langue maternelle. Parce que d'abord, ce qui plaît au bébé, c'est la voix de la mère avec la berceuse. Hein, c'est la berceuse, c'est la mélodie, ce sont les mots, ce sont les intonations de la mère, son ton de voix. Mais il y a un moment, il va falloir qu'il lâche ça et puis qu'il découpe. Et c'est la mère qui va bien sûr l'aider à découper en disant des mots, toujours les mêmes, qui reviennent, et puis des mots qui sont séparés les uns des autres et qui vont faire scansion. C'est ça qui est important. C'est vrai que les bébés aiment beaucoup qu'on leur chante des chansons, et les mamans aiment beaucoup chanter, que les berceuses, ça sert à endormir. Quand il faut se réveiller, c'est bien autre chose. Et là, c'est peut-être moins la berceuse, et c'est peut-être plus la coupure entre les mots. Et c'est ça qui sera essentiel. C'est une opération difficile. C'est une opération quasi chirurgicale, puisque, effectivement, il y a un écart entre les mots. Les mots les uns entre les autres, puis il y a un écart aussi entre les mots et les prouvés, parce qu'un mot, même très précis, même choisi, même tout ce qu'on veut, avec toutes les qualités qu'on veut, ne rendra jamais compte d'un éprouvé corporel, et il y a forcément un écart entre ce qu'éprouve le bébé et le mot qu'on va lui proposer. Ça, c'est tout le coup de force du langage, et en même temps, c'est toute la force du langage, hein, de se dégager de la sensation immédiate pour déjà la représenter et puis en faire quelque chose d'autre et puis en faire quelque chose qui est communicable au prochain. Un âne. Non, c'est pas un âne, ça. Presque. Ça ressemble. Non. Un cheval. Un cheval. Ah oui, un cheval. Tu dis cheval? Cheval. Va. Cheval. C'est bien. Ça, c'est quoi ça? Par terre, ouais, tu ramasses? Les pompiers. Les pompiers? Bébé. Pompiers. Attention, ça, c'est quoi? Bébé. Bébé. Bébé. Le feu. Un feu. Et qu'est-ce que ça fait, le feu? T'es là. Ils éteignent le feu? Les pompiers, ils éteignent le feu? C'est là. Et est-ce qu'on peut toucher le feu? Oui. Ça fait quoi? Ça. Ça fait quoi? Ça. Ça brûle. Ça brûle. Une passoire. Dans l'idée des adultes, on désigne une chose à un bébé et le bébé comprend. Mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Alors, effectivement, on peut se demander comment font les bébés pour deviner le sens des mots. L'idée qu'on a habituellement, c'est que, comme vous venez de le dire, l'adulte montre un objet et dit « Oh, regarde, chien !» Et c'est vrai que si ça se passait souvent comme ça, les bébés pourraient quand même apprendre aussi comme ça. Dans la pratique, il y a quand même énormément de mots qu'on ne peut juste pas apprendre comme ça. Par exemple, un mot comme « penser » ou « croire », ben, on ne va jamais le désigner pour l'apprendre. Et puis, l'autre problème, c'est aussi que si on regarde toute la parole que l'enfant entend, il y a plein de choses que l'enfant entend qui ne parlent pas de ici et maintenant. Par exemple, on dit on va appeler mamie au téléphone. Ben, il n'y a pas mamie là, il n'y a pas forcément même le téléphone là tout de suite au moment où on dit ça. Et donc, quand on se pose la question de comment font les enfants pour deviner le sens des mots, ben, on suppose qu'en fait, ils utilisent tout un tas de stratégies conjointes qui vont ensemble lui permettre d'essayer d'inférer c'est quoi le meilleur sens possible pour ce mot qu'ils viennent d'entendre. Et donc c'est vraiment un processus d'inférence et pas juste de la simple association comme on pensait au début. On disait l'enfant entend chien, il y a un chien dans l'environnement, il apprend qu'il associe le son chien avec l'objet chien. En vérité, il fait vraiment de l'inférence. Par exemple, dès qu'il est capable de suivre le regard de quelqu'un, eh ben on va voir qu'il va utiliser cette information pour essayer de savoir de quoi cette personne pourrait bien parler. Donc quelqu'un qui parle d'un objet et le regarde, l'enfant va suivre le regard et se dire que sans doute il est en train de parler de cette chose-là. Et aussi d'utiliser le contexte de la phrase, donc les autres mots qui se trouvent autour du mot qu'on est en train d'essayer de deviner, pour essayer de deviner le sens probable de ce mot. C'est quoi ces petits cris là? Si l'on se plonge dans l'esprit du bébé, qui ne parle pas tout à fait encore, mais qui comprend, il appelle, il désire quelque chose, il appelle, il tente de dire quelque chose. Donc là, votre question, elle est formidable parce que justement, elle met en route déjà le langage, c'est-à-dire que vous inférez immédiatement que quand le bébé appelle, c'est qu'il désire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de moteur qui vient de son côté, de la part du bébé. Il veut quelque chose et il faut bien qu'il passe par quelqu'un d'autre, par un tiers, parce que c'est quand même un tiers, pour avoir quelque chose, ou pour qu'on vienne le voir, ou pour qu'on vienne lui parler, ou qu'on vienne lui apporter quelque chose. Et dans la réponse ou la non-réponse, il va falloir que ce bébé accepte que la réponse n'arrive pas tout de suite et accède à l'idée que l'autre n'est pas là pour le moment, mais est peut-être là ou viendra peut-être. C'est-à-dire qu'il puisse penser l'absence de l'autre et ne pas se désespérer de l'absence de réponse et qu'il puisse attendre. Se représenter l'absence, c'est ça. C'est cet écart-là qui est très difficile à accepter, c'est-à-dire de décoller de la réponse immédiate, de la réponse préprogrammée, hein, c'est-à-dire que j'ai faim, on me donne à manger, et puis c'est fini, hein, puisque le langage se met à l'endroit d'une faille, se met à l'endroit d'une défaillance initiale, de transformer cette faille initiale en créativité, c'est ça le pari du langage et c'est ça le pari de l'entrée dans le symbolique. Et ce qu'il y a de formidable avec le langage, c'est qu'il a une dimension somatique, hein, puisque pour parler, encore une fois, il faut que les organes de la phonation, les oreilles soient au point, il faut aussi que les circuits cérébraux marchent, bien sûr. Et puis, il y a une dimension qui est au-delà de tout ça, qui est la dimension symbolique, qui est propre au langage, et qui est un système inventé bien avant l'enfant, un système créé, un système construit, et un système qui a des lois, qui a des règles, dans lequel il faut se faire reconnaître pour pouvoir le manier, et pour pouvoir parler, et pour pouvoir se faire entendre de sa propre place. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. S'il existe de l'inné, et donc de l'universel, qu'est-ce que c'est, cet inné chez les bébés? Alors, c'est une très bonne question sur laquelle tout le monde n'est pas vraiment d'accord. Donc, le premier point, c'est déjà, pourquoi est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'inné dans l'apprentissage du langage? Ben, tout simplement parce qu'on a tout un tas d'arguments qui prouve qu'il doit y avoir quelque chose d'inné. C'est l'hypothèse qui a été formulée au départ par le linguiste Noam Chomsky, qui a appelé ça la grammaire universelle. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est très très accepté. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a quelque chose d'inné qui permet au bébé humain d'apprendre les langues humaines. Ça, c'est pas discuté du tout. Ensuite, même supposons que je sois très très innéiste, que je suppose que toutes les choses qui sont communes à toutes les langues du monde soient effectivement directement encodées dans le bagage génétique des bébés humains, qui est une hypothèse assez extrême, que tout le monde n'achète pas. Même si je pensais ça, il faudrait quand même bien que je devine le sens des mots. Donc, c'est pas parce que je nais avec une capacité innée à apprendre la parole que je sais que chien veut dire chien. Hein, dans toutes les langues du monde, les mots vont avoir des sens différents. Donc, toutes ces choses-là, il faut les apprendre. Donc voilà, c'est pas parce qu'on pense qu'il y a quelque chose d'inné dans l'acquisition que pour autant, on pense qu'il n'y a pas d'acquisition à faire. Et le plus frappant, c'est la création de ces langues qu'on appelle les créoles. Donc un créole, comment ça se produit? C'est quand on a une communauté d'adultes qui sont regroupés ensemble et qui ne partagent pas une langue, donc c'était des communautés d'esclaves typiquement, et qui vont juste avoir à utiliser des mots de contenu, comme on les appelle, des noms, des verbes qui ont un sens, et les collent les uns aux autres sans avoir vraiment de grammaire. Et donc à ce moment-là, c'est quand même une langue fonctionnelle, on arrive à communiquer du sens avec, mais ce n'est pas une langue naturelle, une langue humaine. Les enfants qui sont élevés dans une communauté comme ça vont, eux, rajouter toute la grammaire qui manquait et qui va la transformer en une langue naturelle. Donc ça nous montre qu'effectivement, cette propension des êtres humains à rajouter des éléments grammaticaux, elle provient de la tête des bébés, puisque ce n'était pas dans leur environnement et pourtant ils l'ont créé. Alors ça, c'est des études qu'on n'a pas pu faire vraiment, parce que les créoles, ça date, il n'y avait pas beaucoup de linguistes à l'époque pour étudier ça. Mais on a pu l'étudier très bien à nouveau dans les années 80, au Nicaragua, où il y a eu une nouvelle langue des signes qui a été créée. Et donc, comment elle a été créée? Simplement parce que le gouvernement du Nicaragua a décidé de créer une école pour les jeunes sourds. Il n'a pas souhaité leur enseigner une langue des signes existante, comme la langue des signes française ou la langue des signes américaine. Et donc, à la place, il voulait qu'ils apprennent à parler. Et donc évidemment, c'est très dur pour des sourds de parler puisqu'ils n'entendent pas. Mais dès l'instant où ces jeunes sourds étaient tous ensemble dans le même endroit, eh ben, ensemble, ils ont inventé une langue des signes avec la grammaire, etc. Et donc les linguistes ont pu comme ça voir l'évolution de la langue, mais année après année, puisque chaque année, il y avait une nouvelle génération d'élèves qui arrivaient, qui apprenaient la langue de leurs aînés et qui l'amélioraient. L'année suivante, une nouvelle génération arrivait, apprenait de ceux qui étaient là de l'année d'avant et l'amélioraient à nouveau. Donc ça, c'est la raison qui nous fait dire vraiment qu'effectivement, il y a quelque chose de spécifiquement humain qui permet aux êtres humains d'apprendre les langues. Piani o kayani ba me hulibunish, hulibunish. Piani o kayani ba me hulibunish, hulibunish. Kukunanini oniba, kukunanini oniba me hulibunish, hulibunish. Kukunanini oniba, kukunanini oniba me hulibunish, hulibunish. Piani o kayani ba me hulibunish. Hulibunish, piani o kayani ba me hulibunish, hulibunish. Kukunanini oniba, kukunanini oniba me hulibunish, hulibunish. Kukunanini oniba, kukunanini oniba me hulibunish, hulibunish. Ou libou niche. Cette idée d'avoir un mécanisme d'apprentissage spécialisé, c'est pas du tout spécifique à l'homme. On retrouve ça dans toutes les espèces animales. Donc, par exemple, les oies sauvages, les espèces migratrices d'oies sauvages, s'orientent avec les constellations. Et ça, on le sait depuis très longtemps. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir comment s'est encodé ce mécanisme qui permet aux oies sauvages de s'orienter avec les constellations. On sait qu'on ne peut pas supposer que l'image des constellations est directement encodée dans le génome, parce qu'on sait que l'image des constellations a changé énormément depuis 3000 ans. Hein. Donc on a les constellations des Grecs et les nôtres, et ce n'est pas du tout la même chose. Donc le bébé oie, il faut qu'il apprenne les constellations pour pouvoir se diriger ensuite. Et donc comment il fait ça? On a pu le montrer. Le bébé oie, quand il est dans son nid, il ne bouge pas. Il va passer ses nuits à observer le ciel étoilé. Si vous avez déjà été dans un planétarium, vous savez que quand on passe en accéléré la nuit, on voit qu'en fait le ciel étoilé tourne autour d'un point fixe qui est le nord. Et donc le bébé oie, comme ça, il a un mécanisme qui lui permet de passer le ciel étoilé en accéléré, de trouver le nord et ensuite il utilise ça pour se repérer. Évidemment, si vous faisiez ça avec un bébé humain, ça ne marcherait pas. Donc de la même manière, vous prenez un bébé oie, vous essayez de lui enseigner une langue humaine, ça ne marche pas. Quoi, ouais, il n'a plus de bébé? Non, il n'y a plus de bébé. Il est encore ici. Allez, je rigole. Il va se rattraper par un loup. Il va se rattraper par un loup. Il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. D'abord, les bébés comprennent assez tôt. Et puis, quand les bébés ont compris et ont capté les premiers mots du langage et surtout ont capté les articulations, il y a une sorte d'explosion qui est remarquable et qui est... Bon, je vais peut-être prendre un exemple qui dit en même temps la force du langage et la façon dont les bébés peuvent aussi attraper la structure en même temps que les mots. C'est pas simplement une suite de mots. Ils n'attrapent pas le dictionnaire, les bébés. Ils attrapent directement le langage. Par exemple, la grammaire. Quand les bébés commencent à dire, notamment quand ils jouent avec d'autres, et quand ils jouent avec leurs frères et sœurs, bien sûr, quand ils commencent à dire « à moi », ben, ils disent vraiment « à moi », alors que le « à moi » ne désigne que, et quand les frères et sœurs ont dit « à moi », ça ne désignait pas du tout le bébé, ça désignait le petit frère ou le grand frère ou la grande sœur qui voulait garder le jouet pour soi-même. Et très vite, les bébés peuvent dire « à moi ». Et puis après, quand ils arrivent très peu de temps après à la phrase, très souvent, ils disent directement « je veux boire ». Alors qu'on s'est adressé à eux, tu as soif, as-tu soif, veux-tu manger, veux-tu aller te promener, veux-tu ton ours? Très souvent, ils répondent directement, je veux. Il a envie de rentrer dans le monde symbolique, de s'y faire reconnaître, qu'on le prenne pour une personne, qu'on s'adresse à lui, et il va tout faire pour rentrer dans le langage, et c'est très très spectaculaire. Et puis, quand les bébés ont compris et ont capté les premiers mots du langage et surtout ont capté les articulations, il y a une sorte d'explosion qui est remarquable. Moi, je m'appelle Anaïs Tataboula. Anaïs Tataboula. Quelles sont les recherches que vous menez actuellement, Anne-Christophe, à l'École normale supérieure, dans ce Baby Lab que vous avez conçu ? Alors, parmi les recherches qu'on mène, on en fait beaucoup en ce moment sur justement ce processus d'inférence que les bébés font pour découvrir le sens des mots. La question qu'on pose, c'est par quel mécanisme les bébés ont réussi à apprendre que L plus un mot, le mot va être une action, tandis que une plus un mot, le mot va être un objet. Donc, comment tester ça ? L'idée qu'on a eue, c'est que pour apprendre que L a tendance à précéder les mots qui réfèrent à des actions, ce qu'on pense, c'est que le bébé se base sur un petit nombre de mots dont il a déjà réussi à prendre le sens. Donc on va prendre des mots très concrets, comme par exemple manger et boire, dont on parle beaucoup autour des enfants, et dont on pense qu'il va réussir à deviner le sens juste parce que c'est tellement concret, facile à observer. Et pareil pour des noms d'objets comme livre et doudou, des choses comme ça que l'enfant va pouvoir apprendre facilement, biberon. Et donc du coup l'hypothèse c'est qu'à partir de ces mots qu'il connaît, l'enfant pourrait apprendre dans quel contexte ils se produisent. Inférer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sorte de déduction ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, exactement, l'inférence, c'est ça. C'est un travail de détective que l'enfant fait pour essayer de trouver ce mot-là que j'entends à cet instant-là, dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir dire ? C'est ce qu'on pense que l'enfant fait, vraiment de la détection. En même temps qu'il fait tout ça, il est aussi en train de travailler sur la grammaire de sa langue, même si pendant longtemps on ne le savait pas, puisqu'on sait qu'avant la fin de la première année de vie, avant 12 mois, il reconnaît déjà tous les petits mots grammaticaux, les articles, les pronoms, qui vont lui servir justement pour ensuite deviner le sens des mots. Donc on voit bien à quoi ça va servir. Maintenant, mettons-nous dans la tête du bébé qui fait l'inférence. Okay. Donc le bébé, il a 18 mois. Il ne connaît pas beaucoup de mots encore. Il connaît une cinquantaine de mots, une centaine peut-être. Ils sont bien répartis dans l'espace sonore. Donc il y a bébé qui est ici, voiture qui est là-bas de l'autre côté, qui n'a vraiment rien à voir. Maintenant, prenons le mot canard qu'il connaît déjà. Un nouveau mot arrive. C'est quoi la probabilité qu'il arrive juste à côté du mot canard que je connais déjà, ce mot gana ? En fait, elle est toute petite. Donc l'enfant, c'est un bon statisticien. Il se rend compte que ce n'est pas du tout probable, cette histoire-là. Et il se dit, peut-être que ce mot ganard que je viens d'entendre, en fait, c'est le mot canard et je me suis trompée. Je croyais que c'était canard, mais en fait, c'est gana. Ou peut-être que ganard et canard, c'est le même mot, mais dans certains contextes, canard, on le prononce ganard. Et ce n'est pas du tout stupide parce qu'il y a plein de choses comme ça qui se produisent dans toutes les langues. Par exemple, en français, le mot robe, on va le prononcer robe quand on dit robe sale, une robe sale. Donc voilà, ça se produit. Et donc du coup, on peut tester cette hypothèse que l'enfant est un bon statisticien, que la raison pour laquelle il résiste pour apprendre que ganard, c'est un nouveau mot, c'est parce qu'il est trop proche de canard et c'est pas plausible. Maintenant, on va apprendre un verbe qu'il connaît déjà, comme tomber. Et on va lui enseigner un nouveau mot, c'est un dombé. Donc c'est un animal, il a des grandes oreilles, une longue trompe et tout, c'est un dombé. Le bébé apprend ça parfaitement. Et donc si on repense en termes de probabilité, voilà, le bébé statisticien, quand on lui dit « Oh regarde, c'est un ganard », lui il se dit « Oh là là, c'est un ganard, c'est un canard, lequel c'est ?» Si on lui dit « Oh regarde, c'est un dombé », il est aussi tout proche d'un mot qu'il connaît déjà. Mais on dit « Il est tombé », on ne dit pas « C'est un tombé ». Et donc aucune interférence pour lui, aucun problème. Est-ce qu'il est possible de comparer finalement ce bébé à une sorte de détective un peu ? Ah, complètement, complètement. Alors le bébé, c'est un détective et une des définitions possibles de l'intelligence, c'est quand même ça. C'est que ce bébé fait le détective et cherche à savoir quelque chose justement qui est caché, qui n'est pas là, quelque chose qui n'est pas donné tout de suite. Nous, on l'observe tous les jours dans le travail clinique. Effectivement, nous sommes ici à l'hôpital, dans un centre de référence où il est question d'enfants qui ont du mal à apprendre et qui ont du mal à se mettre à parler et à apprivoiser le langage. Et un de nos guides, c'est de remettre en route ce petit chercheur et ce petit sujet qui cherche à comprendre son entourage et qui cherche à se servir de tout... de toute la logique du langage, de toute la logique des propositions, de toute la logique subjective et de toute son envie de savoir pour conquérir le monde et pour aborder le monde. C'est vraiment la réanimation du désir de savoir et du désir de communiquer. C'est ça notre outil principal. Après, on a des techniques pour essayer d'approcher les enfants. Mais le but, c'est de remettre ce moteur-là en route. L'enfant pense qu'il a son mot à dire, et tant mieux. Et c'est par une appropriation active et par sa propre soif de savoir que l'enfant fera les meilleurs progrès, et puis surtout qu'il ne s'arrêtera pas, il continuera, parce que heureusement pour nous, on apprend tout au long de la vie. Bébé peut sembler un peu génial quand on observe un enfant tout d'un coup se mettre à absorber puis à parler à une grande vitesse. C'est un coup de génie qui est propre à l'immense majorité des bébés, fort heureusement, puisque quand ils arrivent, quand ils se saisissent de la vie à pleines dents, voilà, même quand ils n'en ont pas encore, elles vont arriver, et ils se saisissent aussi du langage comme de cette façon-là, avec un appétit formidable qui correspond tout à fait à l'appétit de vivre, et puis qui leur ouvrira la suite, puisque même si le langage c'est quand même un coup de force, dans le sens que c'est une structure qui est quand même très coercitive, puisque la syntaxe, elle est quand même coercitive, le vocabulaire aussi, mais c'est quand même un outil de création, le langage, et une fois qu'on a accepté le code, qu'on s'est plié au code, eh bien, on peut dire et écrire à peu près tout ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même un cadeau formidable, et c'est pour ça que le tournant du langage est si important, et c'est pour ça qu'on est si attentif à ce moment périlleux de l'entrée dans le langage et en même temps qui ouvre à une suite prometteuse. Qu'est-ce qui vous étonne le plus, Anne-Christophe, vous, dans l'acquisition du langage ? C'est une question qu'on ne m'a jamais posée. C'est rigolo. Ce qu'il y a de magique dans l'acquisition du langage, c'est qu'on part d'un nouveau-né qui non seulement ne parle pas, mais ne fait pas grand-chose d'autre, à part regarder autour de lui et téter. Et puis, en l'espace de 3 ans, on arrive à quasiment un petit adulte, enfin, qui parle de manière quasiment parfaite. Quand on fait la différence avec nous adultes, on se dit, tiens, je vais me mettre à apprendre une nouvelle langue, ben, 3 ans plus tard, on n'est pas du tout dans le même état, et on est encore en train de chercher ses mots, d'avoir un accent terrible. Et donc, finalement, à partir de 3 ans, l'enfant, il se met à parler comme un petit adulte, même s'il peut rester des petits défauts de prononciation qui sont plutôt liés à la difficulté d'articuler ces sons assez compliqués. Voilà, l'enfant connaît déjà très bien sa langue. Donc, oui, il y a quelque chose de magique dans l'apprentissage de la première langue, qui est encore assez mystérieux, en fait. On a une idée de comment ils font, mais il y a plein de questions qui restent ouvertes. Le génie des bébés. Et le langage vient. C'est difficile d'être dans la tête des bébés. Merci à Maya Gracier, professeure en psychologie du développement à l'Université Paris-Ouest Nanterre, Evelyne Lenoble, psychiatre, Anne-Christophe, directrice de recherche ENS Baby Lab, Bernard Golz, pédopsychiatre, Jacques Dayan, neuropsychiatre. Et sans oublier les enfants de la crèche Boule de Gomme à Lille. À la prise de son, Christophe Papon, au mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Nejma Bouakra, réalisé par Franck Lilin. Avec l'aide précieuse de Tom Cariou. Attaché d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Perrine Cavron. Enfants, bébés, pédiatres ou allergiques aux nourrissons, LSD, la série documentaire, c'est terminé pour cette semaine. Et si vous voulez comprendre ce que disent les bébés, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le pédopsie ou nous réécouter à la PMI, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire, pour voir des images de la radio du dedans. Ma sœur, nous avons des cœurs siamois, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré, et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais I'm